C'est fou ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants et de la Banque nationale. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Simon Fitzbay vient nous parler de Tony Sheridan dans sa chronique Phénomène. Et on se voit François Landry pour parler de la montée de la droite à assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage Requis, émission matinale en pièces détachées. On est le jeudi 28 octobre 2010, en direct des studios de CIFO à Trois-Rivières. Moi, c'est Mathieu Plante. Et moi, c'est François-Olivier. Salut, François-Olivier. Salut, Mathieu Plante. How's it going? Fine and you? Thank you very much, fine. Thank you. Oui, thank you. Hey, Mathieu, grosse journée, grosse émission, la dernière de la semaine, la dernière avant l'Halloween aussi. Mm-hmm. C'est sûr, comme on disait dans l'introduction, on reçoit Simon Fitzbay qui vient nous parler de Tony Sheridan. Who is Tony Sheridan? Ben, vous le saurez tantôt. Ouais, c'est ça, exactement, aux alentours de 8 heures. Tout à fait. On a François Landry aussi qui va venir nous parler de la montée de la droite au Québec et en général. Aux alentours de 8h30, peut-être, dans ce coin-là. Dans ces coins-là. On a une chronique C'est un fait aussi, et dans la chronique C'est un fait, on va entre autres parler de frites de chez McDonald's. Oh, ouais! Mm-hmm. Ça me donne l'eau à la bouche, oh, mon ami. Caroline. Ils sont bonnes. Oui. On dira ce qu'on voudra, mais bon. C'est en effectivement ça. J'essaie d'amener des nouvelles expressions de fois de temps en temps à l'émission. Je vois bien ça. Là. Ça marche pas tout, hein. Non. Alors, on va commencer l'émission en musique, mais avec un bloc particulier, on va lui donner un nom. C'est le bloc « Vous l'avez peut-être raté ». Genre, là, mettons. Plutôt assez fou. Ah, oh, oui, précédemment, sur nos ondes. Sur nos ondes. Donc, si vous étiez avec nous plus tôt dans la matinée, vous savez que C'est fou diffuse à partir des petites heures du matin, de la musique... Diffuse 24 heures sur 24. Ben oui, ben tout à fait, exactement. Mais dans la nuit, des fois, ça peut être peut-être du métal. Puis à un moment donné, à une certaine heure du matin, ben, ça commence à être francophone. Il y a comme une transition entre les deux. Plus d'alternatives, le francophone commence à 6 heures. C'est ça. Avant 6 heures, c'est comme de l'alternatif anglophone, genre. Ouais, c'est ça, exactement. Souvent, moi, en fait, là, parce que mon cadran est sur C'est fou, quand il sonne aux alentours de 5h30, souvent j'entends comme du Mars Volta. Okay. Va être, et puis ce matin, en fait, il y avait une très bonne pièce. Je ne savais pas c'était quoi. Et puis on est allé voir dans l'ordinateur, en fait, parce qu'on garde, les données. La liste des pièces diffusées. Ouais, l'historique. En fait, c'est ça, exactement. Donc, et puis Mathieu m'a sorti l'album d'Arouette. Ouais, ben c'est une pièce qui était sur le palmarès il y a très très très longtemps de cela. C'était la formation Archive. Ouais, je connais ça pas. La pièce s'appelle Again, et il y a une version de genre 16 minutes de ça. Et c'était sur le palmarès, et on l'a joué fréquemment dans le temps que c'est sorti. La 16 minutes? La 16 minutes, oh, oui. Ouais. Mais il y a une version radio aussi, ouais, qui dure 3 minutes 30. C'est celle-là qu'on va l'entendre. On va se gâter avec ça. Alors que moi, ben, je suis allé de façon un petit peu moins originale que toi. Je me suis pas levé à ces heures-là, nécessairement, avec le cadran de C'est fou, là. Donc, ce que j'ai aimé ce matin, elle a commencé à jouer juste avant notre émission. Donc, si vous étiez avec nous vers les 7h moins 2, peut-être, ou une. Ouais, vous avez entendu le début, mais pas. Vous l'avez pas entendu chanter. Non, c'est ça. Mais je ne suis pas sûr que ça chante. Ah non, ça, oh, cette okay. Mais vraiment, on a entendu juste l'intro, et c'est la formation Les Séquelles avec Nain Folie. Et puis, ça me semble de me gâter. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. On va entendre les 4 minutes au complet. Ça va être super bon. Cool. Donc, un petit bloc Les Séquelles et Archive dans le bloc. Ça s'est passé sur nos ondes. Plutôt assez fou. Magie. crushing me inside. If I was to walk away, from you, my love, could I laugh again? You're killing me again. Still in your head, if I walk away from you and leave my love, could I laugh? S'appelle, on n'avait pas vu venir ça. Archive avec Again Radio Edit, c'était sur le palmarès de C'est fou ça. À un moment donné, la version longue là, qui dure comme 16 minutes 18 était sur le palmarès, on la jouait fréquemment. Mais je pense que c'était la version longue qui jouait ce matin. Ah ben c'est très très possible. Était meilleure la version longue? Ben non, mais c'est bon aussi. Là, mais ouais. On se gâtera à un moment donné, on ben la jouera. Ben oui. J'essaie de chercher en quelle année c'était dans le palmarès, mais avec un nom comme Archive, disons que je tombe juste sur des affaires qui parlent d'archives en général. Ouais, non, c'est ça qui arrive. Bref, c'est ça. C'est ça qui arrive. Non, mais j'avoue qu'on pourrait se le permettre au moins une fois dans l'année, parce que c'est fou nous le permet. Ben, c'est ça. Donc, il n'y a pas de baillon ici, on l'a dit. Pas de baillon, c'est fini. On s'empêche pas de rien faire. Pas de censure. Fini. T'sais, on sacrera pas en ongles, mais c'est proche. Yes, sacrifice. Vous êtes Assemblage Requis, l'émission qui s'en permet à tous les matins entre 7h et 9h, ici sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. On va retourner en musique à l'instant. On va l'entendre, les handclaps. Est-ce que tu te rappelles les handclaps? Est-ce que c'était sur la compilation Québec émergent? Entre autres, oui, mais il y a eu d'autres pièces que ça, puis elles ont toutes été sur le palmarès, je pense, de les handclaps. C'est tellement bon. Alors, on va l'entendre, comme tu disais, la pièce qui est sur la compilation Québec émergent en 2008-2009, une de nos compilations préférées de tous les temps. Ouais, excellente compilation pour vrai, là. Il y a du Winter Love là-dessus, il y a... Il y a du Radio-Radio, du Space Play, Mister Valère, El Motor, Le Roi Poisson, Chinatown. Il y en a des tonnes et des tonnes, je pourrais continuer toute la journée. Toute la journée. Il y a deux CD. Ouais. Donc, on écoute les handclaps avec Cacti Are Delicious Fruit et un petit peu plus tard, plein de choses avec toi et plein de choses avec moi. Parfait, merveilleux. Tu sais, bon, on est vague comme ça, mais restez là. Ben oui, il faut rester vague aussi. Posez pas trop de questions, faites juste savourer le moment présent. train allongé qui fait « Hey bébé, ça va ?» Non, prends ça. Est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Non. Hey, hey. Vous écoutez Assemblage requis sur C'est fou. C'est quoi ton problème? Petit malaise ici. Tu voulais pas que j'ouvre ton micro pendant que ça jouait, ça? Ouais, c'est ça exactement. J'explique un peu aux auditeurs, c'est que je criais pour pas que Mathieu ouvre les micros. C'est taquin. Tu n'ouvriras pas le micro? Puis, en tout cas. Hey, mon vieux. Hein, on nous donne de 20 à place. C'est pas du plaisir, ça, là, qu'on donne? À peine. C'était un beau moment de plaisir, Mathieu. Je suis sûr que les auditeurs ont autant de plaisir que nous. Exact. Ah, c'est sûr. Ben oui. Quand les animateurs ont beaucoup de plaisir, les auditeurs se doivent d'avoir du plaisir comme les animateurs. C'est formidable. C'est ça. Parfait. C'est une louée. Oui. C'est une louée. Non écrite. Ici au Canada. Hey, aujourd'hui, ce soir, Salon des vins des Patriotes, ça se déroule à 16h30 et ce, jusqu'à 21h30 au CAPS de l'UQTR. C'est dans le but d'encourager l'équipe de hockey des Patriotes de l'UQTR, bien évidemment. C'est le 19e Salon des vins qui se déroule ce soir. Bon, l'année prochaine, ça va être le 20e. Le 20e, peut-être ça va être... Ouais. Ça serait très bien s'il commençait ça à 16h20 puis qu'il finissait ça à 20h20. Ça serait concept au bout. 21h20, peut-être? Ouais, 21h20, ça j'ai dit. Tu as dit 20h20? Ben oui, mais non. Mais c'est un double... T'écoutes 20. Mal, ouais. 20h20, c'est un double 20. Puis le 20 du 20e mois. Non, mais d'après moi, ça va être... peut-être l'année prochaine, ils vont faire quelque chose d'un peu plus spécial, peut-être. Je sais pas. Je veux pas dire des choses que je ne sais pas. Promettre des affaires qu'ils peuvent pas faire. Non, c'est ça, hein? Exactement. Mais le coût est 20$. Donc, l'année prochaine, le coût risque d'être pas mal le même. Si on suit ta logique, Mathieu. Oui. Si on suit ta logique. Mm. 20$, c'est toujours en pré-vente. 25$ à l'entrée, ici même au CAPS. Et ça inclut un verre... Et puis, 10 coupons aux dégustations. Les billets sont en vente dans les SAQ et au comptoir du CAPS. Les billets de consommation, c'est qu'on peut goûter à des bières ou à des vins. Il y a des bières aussi, ouais, tout à fait. Crime, je pense que je l'avais pas dit dans les journées auparavant. Et c'est des choses coûteuses, donc normalement, que vous pourriez peut-être pas vous permettre. Non, c'est ça, exactement. C'est des vins assez relevés au niveau des prix. Du goût aussi, là, j'imagine que le goût doit être assez... ça doit être assez relevé de par le fait que le prix est assez élevé. Là. Ouais. Ça fait beaucoup de élevé dans une phrase. T'es donc même mal élevé. Oh! Ça, ma mère serait pas contente. Non, je me mettais très bien élevé, non, en fait. Non, non, je trouve. Merci. Merci, Mathieu. Alors, regarde, je t'ai dit merci, donc je viens renforcer l'idée que je suis bien élevé. Ouais. Merci ou encore, il y en a qui disent yes, yes. Yes, yes, yes, yes. Thank you, thank you. Thank you, thank you. Mais c'est ça, en fait, les dégustations aussi, il y a deux chefs, on reçoit, il y a deux chefs à Orle, là. Ça va être un chef du Poivre Noir, ici même sur le bord du fleuve là, à Trois-Rivières, mm-hmm. Et puis un chef du Carlito. Ils vont, c'est dans une dans l'ambiance d'une compétition, bref, amicale, là, parce que je pense pas qu'ils gagnent vraiment quelque chose. Et puis l'idée, c'est d'agencer les bouchées qu'ils vont faire au vin qui va être offert. C'est comme des pastilles de goût, mais inversées. C'est ça, exactement. Donc, c'est un peu ça. C'est pas ça du tout. Non, ben oui, mais dans le sens que c'est sûr que j'imagine que les cuisiniers, là, écoute, je sais pas non plus le principe, là, mais j'imagine qu'ils doivent goûter au vin. Et puis à partir de là, eux autres se basent. Concocter une recette qui a rapport avec ça. C'est ça, qui. C'est une excellente idée. Un accord au vin, mais quasi à la perfection. Celui qui sera le plus près de la perfection. Ben, c'est des grands chefs, donc ça doit être pas mal proche de la perfection. Non, c'est ça, exactement. Et puis ils sont capables, tu sais. C'est pas tout le monde qui a le. Les capacités. Ben, tu sais, moi, si j'ai le choix entre faire, mettons, deux œufs avec des toasts, comme agence avec mon vin, ou encore des pâtes, tu sais, là, je pourrais peut-être avoir un des deux qui pourrait matcher avec le vin. Ben, si c'était moi. Les pâtes. Les pâtes, ça va avec tout, là. Ouais, non, c'est ça, mais les crèmes des œufs, je sais pas si je bois du vin avec ça. Non? Un café Bel Aise, peut-être. Ah oui, un café mocha. Café mocha avec un bon. Mais hey. Tu me donnes faim. Je te donne faim ou soif? Ben, les deux. Ça donne envie d'aller au salon des Patriotes. Ouais, c'est ça, exactement. Hey, sinon, je te parle, évidemment, il y a le spectacle là, des Rum Horns. Oui. Samedi. Le 30, ça se déroule, je pense, à 20h. Au Manchester, ici, avec la première partie, il y a Bijoux. Le groupe Bijoux. Il y a Itabarouette Mathieu qui vient de recevoir quelque chose dans l'œil. Je sais pas c'est quoi, mais c'est ça, ça a eu l'air à faire mal. Et puis, présentation multimédia aussi du photographe Étienne Boisvert. Et puis. Faut arriver costumé, faut pas l'oublier. Ben oui, tout à fait. Mm-hmm. Tout à fait. Au Manchester, les billets sont en pré-vente au Colimaçon et au Manchester. Au coût de 7$. Pas cher. Pas cher, pas cher. Ben oui, tout à fait. Ok, allez-y. Autre chose, c'est tout. Je te parle aussi d'un autre party qui va se dérouler au Manchester. Par exemple, un autre party d'Halloween. Par exemple, lui est après l'Halloween. Donc, je trouve un peu que. Ah oui. Que ça brise un peu l'ambiance. Tu sais qu'assez avant, on dirait que c'est correct. Mais une fois que la journée est passée, on dirait qu'on passe à autre chose. J'avoue, même des fois, le jour même de la journée, un peu comme Noël, le jour même, tu dis comme bon. Ben, le temps est fini. Moi, non. Je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. Et on pense déjà à la veille, la Boxing Day. Oui. Les gens qui veulent. As-tu prévu tes achats du Boxing Day? Hein? As-tu prévu tes achats du Boxing Day déjà? Je sais pas. Sincèrement, moi, par exemple, le 26, écoute, je suis pas du genre à sortir vraiment dans les magasins. Par contre, c'est sûr que entre le 26 et le 31, là, je m'arrange pour. mais, tu sais, je vois, mettons, pour pas le nommer, nos futurs chaps. Puis je profite des rabais, même si c'est pas le 26, parce que moi, non, je ne ferai pas la file. Et non, je courrai pas dans les rangées pour aller sauver. Quelques cents sur une télévision que j'ai pas les moyens de me permettre. T'sais. Ouais, on a fait ça l'année passée. Revenons à la. Mais ça vaut la peine. Oui, ben, vraiment. Ça vaut la peine. Pour vrai, si ça te dérange pas de le faire, on go for it. Puis tu sais, c'est sûr que sauver de l'argent. Mais souvent, les gens, en tout cas, c'est l'impression que j'ai, essayent de sauver de l'argent sur des choses qui ont plus ou moins de besoins. Mm-hmm. Mais bon. Ouais, mais on se crée des besoins dans la vie. Hein. Ben oui, tout à fait. Tout à fait. Faut se donner du bonheur aussi, la vie est difficile. Pis, non, faut se gâter. Tout à fait. Ah non, tabarouette. Sinon, pas de fun. Ça, c'est très bien dit, Mathieu Plante. Ben oui. Ça, c'est du grand Mathieu. C'est la philosophie de vie, c'est pour ça que ma carte de crédit est l'autre. On parle-tu d'Halloween? Ben oui. Le 3 novembre, Nightmare Party, ici même, au Manchester. Ça se déroule à 20h, coût seulement 2$. C'est le 3 novembre prochain. Ça, c'est pas costumé, celle-là? Oui, c'est costumé. Oh oui, wow. Dès 20h, présentez-vous avec votre costume le plus cauchemardesque. Ouh, vous aurez la chance de gagner un des faibles au prix qu'il va avoir de disponible. Donc, manquez pas le party du mois de novembre. Musique incroyable. Parfait! C'est une présentation. Ça, c'est organisé par l'AEP. Manchester, Molson et évidemment, vas-y, Mathieu. Non, quoi? La Banque nationale. Ah, là, pour vrai, la Banque nationale ouais. présente ça. Ouais. Mais coudonc, ils sont donc bien sympathiques. Banque nationale, c'est ma banque préférée au monde. Oui, tout à fait. Tout à fait. La Banque nationale qui est d'autant plus présente sur le campus ouais. à Trois-Rivières. On a vu aussi à rentrer aux initiations, il tenait un kiosque qui se mime juste de l'autre bord de la porte. De l'autre côté du studio, juste là? Oui. À côté de la chasse-galerie, le meilleur café bistrot possible au monde aussi. At the world. Hein? On les aime-tu, nos partenaires? Hein? On les encourage fort, t'sais. Non, mais ouais, Banque nationale, en fait, là, qui. Soyez à l'affût et pour les jeunes de la santé, il y a un petit concours pour vous. En fait, vous pouvez gagner la chance. Vous pouvez gagner la chance de gagner. Ouais, c'est bien dit, ça. Ouais, c'est pas pire, hein. Courez la chance de gagner un voyage d'une semaine à Riviera-Maya, à l'hôtel Grand Palladium, l'un des trois certificats cadeaux de 200$. Inscrivez-vous sur banquedelasanté.ca. Allez-y, à l'instant, on va vous attendre. Banquedelasanté.ca. On va vous attendre. Vous êtes à Assemblage Requis, c'est l'émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante, ceux qui sont ici en ce moment en train de vous parler, donc c'est nous ça. C'est ça, exactement. Hi! Salut Mathieu! Salut François! T'as-tu encore un coup dans l'œil? Non, ça va, c'est parti. Fini? On va entendre un petit bloc musical excellent, je dirais, à mon avis. Excellente! Très humble avis. Si, señorita! On va écouter du Yes Ayer tantôt, mais pour l'instant, on commence avec une pièce que tu as choisie de Tegan and Sarah, et je partage vraiment ton choix. Ah ouais? Ouais. Tu share my choice? C'est ça. Qui prend Tegan, qui prend Sarah? Ça, c'est une... Ça, écoute, rendu là. Hein? De là en bas, je pense pas qu'ils vont prendre ni l'un ni l'autre. Comme ça. Ouais. Night Watch est la pièce qu'on écoute. Merci. C'est l'assemblage requis. Jusqu'à 9h. I've got grounds for divorce. It's in my blood, this divorce. I separate everybody. I need distance from your body. Oh, I deserve this anguish on my house. Everybody clouds are in my head. the sugar in my bed. Everybody cuddles in my head. Everybody does that to us. Everybody's all after us. Everybody, everybody, everybody. Yes, Manda Green de Yes Sayer dans Assemblage requis sur C'est Fou 89.1 FM, la radio campus de Trois-Rivières. Hein, ça c'est bon. Ça c'était excellent, Mathieu. Ça surprend à chaque fois, tu sais. Oui. C'est bon. C'est bon. Ben c'est ça, Assemblage requis. Ben en effet, on vous surprend. C'est bon. C'est ça qu'on fait, c'est bon, puis on vous surprend. Un peu comme je vais faire là, en te lançant des faits dans la face, jusqu'à temps que tu souffres et que tu saignes, voici cet effet. François, des faits véridiques, véritables et vérifiables, c'est ce qu'on fait dans C'est un fait. Hein? Oui. Et à chaque fois, tu me dis ben si tu le savais ou si tu savais pas, ça. Parce qu'à un moment donné, c'est un peu ça l'idée de la chronique, là. Sûr que je le sais. Donc, tu vas te vanter. Sûr que là, je le sais. Par exemple, tu savais que les frites de McDonald's sont faites avec de l'extrait de bœuf. Arc. Tu savais ça? Et c'est même sérieux? C'est pas quelque chose qu'ils essaient de cacher, en fait. C'est pas un secret pour personne, parce que même dans leur fait de nutrition, leur feuille de nutrition, de fait nutritif... C'est marqué. C'est écrit. Les frites mentionnent qu'elles ont une saveur de bœuf naturelle, ou une saveur naturelle de bœuf. Ce qui est étrange, c'est que comment les frites... Comment tu veux avoir une frite à saveur naturelle de bœuf? Ben, c'est ça. Je sais pas trop. C'est du jus de bœuf, peut-être. Je sais pas. Ça contient aussi du blé et du lait. Leurs frites. C'est des patates, là. D'habitude, des frites, c'est pas mal des patates tranchées, là, mais les autres, non. Hein, c'est pour ça qu'on les aime autant. En fait, c'était une controverse en 2001, le bœuf dans les frites. Il y a eu une class action suit, une poursuite collective là, contre McDonald's parce que ça a causé une détresse émotionnelle, si on veut. Je traduis littéralement. Une détresse émotionnelle. Genre, mettons que le monde était stressé émotionnellement. Oui, mais en tout cas. C'est des végétariens qui disaient que, tu sais, vu qu'ils mangeaient des frites, sachant pas que c'était pas végétarien, ils ont poursuivi McDonald's. Ça dit pas s'ils ont gagné ou pas. C'est pas, hein? C'est ça. C'est... Je sais pas. Ben oui. En tout cas, savais-tu qu'une fille, une jeune fille, est née le 8-9-10, la date 8-9-10, à 11h12 p.m. Donc on peut s'entendre que ce soit le 9 août 2010 ou encore... je pense que c'est ça. Je pense que c'est le 9 août 2010. C'est Ella Rose Riley qui est née à Cincinnati, en Ohio, à ce moment improbable. Par contre, c'est tragique. Elle ne pesait pas 6 livres et 7 onces. Ça aurait été encore plus de chiffres. Mais bon, donc 8, 9, 10, 11, 12, c'est quand même étrange, j'aime ça. Prochain fait dans la chronique, c'est un fait. On entend souvent parler, là, vous avez sûrement lu ça sur Facebook, que le mois d'octobre avait 5 vendredis, 5 samedis, 5 dimanches. Mais vous avez peut-être lu que ça arrivait une fois par 823 ans. Est-ce que tu as entendu ça? Oui. Ben, c'est Maxime Lemieux, l'armée, qui nous a dit ça ici dans le cadre de sa chronique. Là. Ben, il mentait, François. Ah ouais? C'est pas vrai. Non, c'est une rumeur qui parcourt l'Internet depuis des années. Et sur le site OMG, tradunionfacts.com, ils ont enquêté un petit peu sur ce fait zombie, ce fait qui ne veut pas mourir. Il y a seulement 7 jours, évidemment, sur lesquels un calendrier peut commencer, hein, les 7 jours de la semaine. Donc, le nombre de calendriers potentiels double lorsqu'on ajoute les années bissextiles. Hein, donc, il y a 14 différentes variations de calendriers à cause de la date de début. D'accord? C'est ce qu'on parle jusque-là? Ouais. 14 possibilités. Donc, est-ce que c'est vraiment plausible que ces 14 cycles-là se répètent seulement à chaque 823 ans? Non, ça n'a aucun sens. Non. En réalité, le calendrier de 2010 est identique à celui de 1999, de 1971 et de 2004. Et ça va être la même chose en 2032. Donc, c'est beaucoup, beaucoup plus proche que 823 ans. Voilà, donc fait qui n'a aucun sens. Et quand vous lisez des choses sur Internet, faut pas toujours y croire. Et quand vous écoutez Assemblage requis dans lequel c'est un fait, c'est des faits qu'on a pris sur Internet aussi, donc ça pourrait ne pas être vrai. Donc faites-vous votre propre idée des fois. Hein? Oh, il y a une grosse... En tout cas, un gros bon sens. Ben oui, ben c'est ça l'affaire. GBS. GBS? Ah, OK. GBS, gros bon sens. J'aime ça. Connais-tu le nom de... je vais m'essayer. Tomata Wakatang Gyanga Kwa Tomato Tituri Pukak Miki. Je construis pendant des siècles. C'est un nom qui a été donné à une montagne par le peuple maori de Nouvelle-Zélande pour rendre honneur à un chef célèbre qui s'appelait Tamatea Pokai Wenua. Donc, lorsqu'on traduit ce nom-là, le nom veut dire la montagne ou Tamatea avec ses gros genoux, celui qui a conquis les montagnes. Eater of Land, je pourrais pas vraiment vous traduire, mangeur de terre, ça, en tout cas. Voyageur sur mer et terre, a joué au Koaou à sa bien-aimée. A joué du Koaou à sa bien-aimée, genre. C'est un peu ça le nom. Ok. Spécial, hein? C'est très très long. Allez voir le nom sur assemblagerequis.com, c'est même pas croyable. Savais-tu que les chiffres sur une roulette, tu sais, dans les casinos, là, la roulette avec du rouge et du noir, là, ouais. Ça totalise 666 lorsqu'on les additionne. Comment tu dis ça? Ça totalise 666 quand on additionne tous les chiffres sur une roulette. La roulette là, avec des chiffres dessus, là, dans un casino. Tu comprends-tu? Ah. Ouais. Dans la plupart des versions du jeu, il y a 37 endroits avec des chiffres entre 0 et 36. Par contre, aux États-Unis, ils ont ajouté un endroit qui est écrit 00 dessus. Donc, c'est ça. Ça donne 666. Je sais pas, ça change absolument rien que le 00. Ça ne s'additionne pas vraiment. Là. Hein? Non. Plus 0, ça change pas grand-chose. En tout cas, il y a 37 pochettes qui utilisent. Sais-tu que Walmart emploie plus de 2,1 millions de personnes autour du monde? Non, 2,1. Je ne savais pas. C'est beaucoup. Sais-tu que les seules parties du corps qui ne suent pas, hein, qui ne suent pas, sont, en anglais, là, qu'est-ce que je peux licher? Qu'est-ce que tu peux licher? C'est pas vrai, c'est pas vrai. On dit le dessous, en dessous de l'ongle, la peau en dessous de l'ongle. Okay. The margins... Parce que c'est pas à l'air. Ouais, c'est ça. Pour ça. C'est pour ça que ça suit pas. The margins of the lips, donc j'imagine, c'est les coins, genre la ligne en dessous de ta lèvre, là. Tu sais, en dessous et en haut de ta lèvre. Ça ne suit pas. Ah non, je pensais que oui. Non, ben non, c'est ça. J'ai oublié de chercher eardrums. Qu'est-ce que ça voulait dire en français? Eardrums. En tout cas, il y a ça. Hein? Eardrums. Ça a été fun de le savoir un petit peu plus que ça. Je vais chercher pendant ce temps-là. Eardrums, c'est pas les canaux de l'oreille là, le, à l'intérieur. Là. C'est le tympan. Ouais, le tympan. Ouais. C'est sûr? Mais c'est sûr que le tympan, ça peut pas suer. Ben, c'est pour ça qu'ils disent ça. Fait que tout le reste du corps peut suer. Ah, moi, ouais. Même à... Ah. Et j'en oublie un, le plus important, le bout du... du pénis. Dis-tu les super aigu. Pénis! Il y a les chiens qui l'ont entendu comme ça. Ouais. C'est un beau fait, ça. Ouais, ouais, ouais. Savais-tu que notre prochain fait, Amerigo Vespucci, tu sais, celui que les historiens disent que c'est lui qui a donné son nom à l'Amérique, Amerigo Vespucci, savais-tu que c'était un marchand de cornichons italiens? Non. Tu savais pas ça? Non. Pas ça, mais non plus, je savais. Un que j'ai bien aimé ici, tu te rappelles dans Gilligan's Island, Ginger et Marianne? Ouais. Ouais. Ben, savais-tu que Marianne, dans le fond, on dit qu'elle est encore plus belle que Ginger, au moins en termes de concours de beauté, parce que Dawn Wells, qui jouait Marianne dans Gilligan's Island, était assez belle et talentueuse pour représenter le Nevada dans le concours Miss America de 1960. Bien, hein? Fait que moi, j'ai toujours dit qu'elle était plus belle que Ginger. Toujours. Tout le temps. Tout le temps. Mathieu l'a toujours dans ses convictions. C'est mon verdict. OK. On en fait un petit dernier comme ça. Le dessin animé Scooby-Doo, Where Are You? Ouais. Tu te rappelles? Où es-tu? Ouais, est-ce que je l'ai fait? Attends, je pense que je l'ai fait, celui-là. Est-ce que je l'ai fait? Non, je l'ai pas fait. OK. Au début, ça s'appelait Mysteries 5. Et ensuite, ça s'est appelé Who's Scared? Donc, les cinq mystérieux. Et puis, qui a peur? Est-ce que Mathieu, t'as écouté ça, Scooby-Doo? Oui, oui, oui, quand même. Ah ouais? Pas mal. Les différentes versions, il y en a plusieurs, là, des dessins animés de ça. Ouais, c'est ça, exactement. J'imagine que. En tout cas, je sais pas. J'ai comme l'impression que ça a été super populaire en anglais, mais ici. Moins, hein? Ben, moi, c'est parce que j'ai pas suivi ça. Mais bon, ça se peut que. Ça se peut que je sois le seul aussi. Je sais pas s'il y aurait eu des films, si ça avait été une série québécoise, mettons. Parce qu'il y a eu des films de Scooby-Doo. Ouais, ouais, ouais. Ça a été bien populaire. C'est vrai qu'il y a eu des films, moi, ouais, c'est vrai. J'avais oublié. C'est avec partie. Buffy. Buffy le vampire. C'est ça. Donc, on parle de Scooby-Doo, Where Are You? Pendant le développement de l'émission, tous les personnages avaient des noms différents complètement. Et là, je vous les donne en rafale. Freddy s'appelait Jeff. Daphne s'appelait Kelly. Velma s'appelait Linda. Shaggy Linda. Linda. On va l'appeler Linda. Shaggy s'appelait WW. Et Scooby-Doo s'appelait Too Much. Too Much. Too Much, le chien. Ils étaient tous dans un band. Donc, pendant le développement. Hein, dans un groupe. C'est ça, dans un groupe de musique. Il s'appelait les Mysteries 5. Et il trouvait des... En tout cas, comment t'appelles ça? Il trouvait des réponses à des crimes. Il résolvait. Résolu. Hey, crime, je sais pas. C'est quoi le mot? Hey, crime. Je le cherche, le mot, je l'ai pas. Ben, il élucidait des crimes. Il élucidait. Quand même que tu parles bien. Il élucidait des crimes entre... Bien élevé. Entre leur spectacle de... T'es bien élevé. Je suis bien élevé. En effet. Tu l'as dit au plus tôt dans l'émission. Et le chien était aussi dans le groupe de musique. Il jouait des bongos. Des bongos. Tout à fait, ouais. C'est ça. Mais voilà. C'est pas ma meilleure chronique, c'est un fait, mais quand même, les faits étaient semi-intéressants, puis l'exécution... Mais c'est ça, des fois aussi, les faits nous intéressent plus que d'autres. C'est pas toi, ça. Non. Non, c'est pas toi. Non. Est-ce que tu veux que je finisse avec un meilleur fait que ça? Non. Ça dépend, c'est quoi? Sur les Beatles. Vas-y. Ça va nous mettre l'eau à la bouche pour la chronique de Simon. Ben, bonne idée. Les Beatles étaient les vedettes du premier vidéoclip. C'est ça? Parce qu'en 1965, et là, je ne suis pas historien, et on me corrigera si c'est pas exact. Inquiète-toi, je pense qu'on va se faire plaisir d'autre chose. C'est ça, sur le site internet où j'ai pris le fait. En 1965, les Beatles trouvaient ça très, très difficile et fatigant de faire la promotion de leurs singles, leurs simples musicaux, à la télévision, dans des émissions musicales. Donc, le 23 novembre de cette année-là, en 1965, ils ont filmé des vidéos promotionnelles pour les chansons Day Tripper, Help, I Feel Fine, We Can Work It Out et Ticket to Ride. La diffusion de ces vidéos-là faisait qu'ils n'étaient pas obligés de se présenter physiquement à chaque studio. C'est ça, exactement. Ça leur permettait de se reposer. Ouais, et puis ça a changé le monde. C'est brillant, oui, tout à fait. Et voilà. Tout à fait. Malgré que je ne suis pas un grand fan des vidéoclips. Non? Je ne sais pas. Il y en a qui en achètent. Ça, sérieusement, les gens qui achètent des vidéoclips sur iTunes, genre, waouh! Sérieusement, vraiment cher pour ça. Là, pour ouais? Oui, puis c'est vraiment, ça se vend beaucoup. Je savais même pas si on pouvait en acheter. Aux États-Unis, je sais pas si tu peux au Canada. Bonne question. Mais tu sais, parce que je constate ça quand même un plaisir personnel, m'imaginer des trucs. Tu sais, quand t'entends une chanson, tu sais, veux pas, comme on dirait que tu t'imagines des trucs. Mm. Et puis, des fois, t'es très déçu quand tu vois le clip. Ouais, le clip, là, en fait, là, ce qu'il représente, ce que le groupe veut représenter. Ou si tu sais pas de quoi la chanteuse a l'air, fait que tu l'imagines d'une certaine façon. Ah, ça peut être. Ouais. Très décevant. Ben oui. Ben, c'est pour ça qu'on fait de la radio, nous autres. On veut pas décevoir le monde. Ah non, ça, c'est sûr que. Ça serait pas le fun à TV, ça. Ça nous évite bien des problèmes. Ah, vous écoutez Assemblage Requis, l'émission matinale en pièces détachées. On va aller s'entendre une petite pièce de OK Go. Pièce InfoCampus? Ouais, on va faire l'InfoCampus avant, finalement. Oh. Ça va aller mieux, je pense. On va se mettre en retard, sinon. Donc, InfoCampus, puis on vient avec OK Go. Reste avec. C'est fou, ça. Ça me donne le goût de danser, hein? Oui. Oh, c'est tellement de musique entraînante. Assemblage requis est une présentation du service aux étudiants de l'UQTR et de la Banque nationale. Hey, c'est rare qu'on voit le soleil entrer dans le studio de façon aussi magistrale à cette heure-là. Tout à fait, c'est des belles journées hier, il a fait super beau. Hey, on t'allait prendre une frite, toi. Une frite? Une frite avec extra de bœuf. Ah, ouais, ouais. C'est un restaurant, là. Hein? C'est un restaurant qu'on nommera pas. Non, c'est ça, mais c'était bon, puis c'est le fun de faire ça au mois d'octobre. On aurait dû faire ça plus souvent cet été, finalement. Ouais. C'est vrai, l'été, tu le prends pour acquis, puis t'en profites pas pendant qu'il y a lieu, dans mon cas. Puis après ça, tu regrettes. Ça. Mais c'est le fun des petites journées comme ça. C'est ça, ça nous redonne la joie de vivre. Oui, ouais. C'est ça, exactement. Juste avant que l'hiver s'acharne sur nous. Sur nous. Déprime-moi pas un matin. Ah. Ça va faire. Je trouve ça dur quand même l'hiver. Mais bon, écoute, on passe par là. Hein? On est au Québec et puis on n'a pas le choix. C'est puis ça. En même temps, il y a des moments agréables. Là. C'est juste qu'il faut... Les chercher un peu plus. On écoute OK Go avec All Is Not Lost. Après ça, on revient avec Simon Fitzbé et sa chronique Phénomène. OK, go away, all is not lost dans Assemblage requis, votre émission matinale en pièces détachées avec François-Olivier Marchand et Mathieu Plante. C'est jusqu'à 9h. Toi et moi, là, together moi forever. Together forever. Yeah, c'est pas cliché, ça. Ben, en effet, j'aime bon, ça. Ouais. Je vois bien ça. Ouais. Un qui est ici pour toujours et ça, en tout cas, on l'espère. Hein? Hein? Ça, c'est un compliment. Ça ressemble à ça. Ben oui. On accueille Simon Fitzbé avec sa chronique. Phénomène. Simon Fitzbé. Bon matin, messieurs. Bon matin. Bonjour et bon matin. Ça va bien. Fitzbé. Oui, ça va très bien. Oui. Toi, ça va? Oui, ça va bien. Passe une belle semaine. Oui, on essaie de se reposer, même si c'est difficile. Il faut se reposer pendant tous les jours de la semaine jusqu'au jeudi, où c'est la journée Simon Fitzbay, oui. Ou la Simon Fitzday, comme on dit. Exactement, donc il faut se préparer toute la semaine pour faire ça. Donc les gens, quittez vos emplois, faites juste quittez dormir vos emplois. Toute la semaine, jeudi. Vous pluguez à la radio. Ben moi, je connais des gens, là, en tout cas, j'imagine, je les imagine au moins, ces gens-là, qui ont sûrement lâché leur job pour pouvoir écouter Assemblage Requis et tes émissions. Ben voyons, c'est sûr. Assemblage Requis, c'est tellement une émission de qualité. De matériaux de qualité, qu'on dit. Oui, ben c'est rempli de matériaux de qualité. Les animateurs, mais pas sûr. Mais quand même. Pas sûr. Olivier Marchand. Ils sont bien meilleurs que celui qui était là avant. Hey, wow, wow, wow, là, commence pas, toi, là, l'autoflagellation, là. Il y a assez de nous autres qui fait ça. Hein? C'est très bon, Simon. Ah, non, non. Donc, j'ai... Oui, oui. Oui, oui. Parenthèse terminée. Ton sujet aujourd'hui, c'est... Chronique phénomène. Phony. Phony avec un TH, hein, c'est un petit non, ben, spécial, pas... Ouais. Ben, en fait, non, pas de TH. C'est une erreur j'ai faite. OK, je pensais que c'était vraiment... Bon, je pensais vraiment que c'était ça. C'était Phony Sheridan. Non, c'est ça, c'est... Tony. C'est Tony Sheridan, donc pas le H, Tony. Okay. Hein, mais dans son vrai nom, il y a un H, mais on l'enlève quand c'est le temps de le nommer. Bref... Tony Sheridan, qui est un grand musicien de l'histoire de la musique, et pas à cause de ses nombreux succès au palmarès, pas aussi pour ses frasques surréalistes qui ont aidé sa carrière ou pour plusieurs phénomènes paranormaux qui auraient pu entourer sa personne, mais pour une collaboration plutôt historique qui a permis à un jeune groupe de s'envoler. Et c'est un peu grâce à lui que le tout est arrivé. Et donc, on va voir tout ça dans le cours de cette chronique. Un petit groupe obscur. Un petit groupe obscur, on les connaissait pas. Okay. On les connaît pas. Okay. Pas encore aujourd'hui, on n'a pas idée c'est qui, mais ils ont aidé. C'est sombre. Oui, très sombre. Et donc, Anthony Asmon Sheridan McGinnity est né le 21 mai 1940 à Norwich, dans la région de Norfolk, en Angleterre. Parce qu'en Angleterre, il y a plusieurs régions. Bon, Norfolk, hein. Et il a grandi dans un environnement classique, grâce à l'aide de ses parents, et il apprend le violon à l'âge de 7 ans. Ses talents de violoniste vont éventuellement se transposer à la guitare, et il forme son premier groupe à l'âge de 16 ans. Tony Sheridan est tellement talentueux qu'il se retrouve rapidement à jouer dans les bars. Avant même ses 18 ans, par contre, il est obligé de coucher dans les entrées de maison. Parce que c'était pas trop payant la vie de musicien de bar. Je pense pas nécessairement que ça a changé encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, c'était vraiment pas payant. Fait que Tony Sheridan, il était obligé de coucher Sheridan. Oh, ouais, malade. Alors, mais sa situation va tranquillement pas vite changer, puisqu'à l'âge de 18 ans, on le retrouve à la BBC. Il était guitariste solo pour certains grands chanteurs pop anglais. Il se démarque dans des reprises, il n'a pas joué avec des artistes originaux, mais des pièces de Blue Sweet Shoot, mettons une reprise d'Elvis Presley, qui était déjà une reprise d'autres musiciens avant. Que Oh Boy, qui était une reprise de Buddy Holly. Donc, c'était très populaire à l'époque. Les groupes américains n'avaient pas nécessairement le temps et l'argent de se rendre en Angleterre. Et donc, d'autres artistes reprenaient les pièces, un peu comme au Québec, on les reprenait en français. Donc, Tony Sheridan, lui, jouait de la guitare là-dessus. Malheureusement, il prend souvent l'habitude d'arriver en retard aux enregistrements. Il oublie souvent sa guitare aussi. Ça, je comprends pas. Un guitariste qui oublie d'emmener sa guitare, c'est bon. C'est pas fort. Non, c'est pas fort. Ça vaut pas cher, Eden. C'est bon. finalement, donc, ça détruit un peu sa réputation et ça lui en donne une de pas fiable. Donc, il est de moins en moins engagé et son groupe va donc recevoir une offre pour aller jouer en Allemagne dans le club Kaiserkeller. Rapidement, les autres membres du groupe vont quitter l'Allemagne et revenir en Angleterre, mais Tony Sheridan va rester. Et donc, c'est alors que le destin entre en jeu, alors qu'il jouait dans le Kaiserkeller avec plusieurs musiciens. Sheridan rencontre un groupe engagé dans un club qui se nomme le Indra, qui est au même propriétaire que le Kaiserkeller. Et donc, ce groupe est formé de 5 jeunes anglais. Pete Best, Stuart Sutcliffe, George Harrison, John Lennon et Paul McCartney. Et ça, on va continuer cette histoire de l'autre côté d'une petite pause musicale. Voici justement une reprise enregistrée par Tony Sheridan alors qu'il était en Allemagne. Voici Yaya. C'est le nom de Sheridan. Sitting there alone, waiting for the Yaya. Sitting there alone, waiting for my Lala. It seems mighty funny, but I don't think she's coming. Hey, baby, hurry now, don't you make me worry, I said, hey, baby, hurry, don't make me worry, Oh, you know I love you, yes, I really love you, Hey, baby, hurry, don't make me worry, waiting for my little yaya. Oh, I really love you, you know I really love you. Now, hey, baby, hurry, don't make me worry. Hey, baby, hurry, don't make me worry. Oh, you know I love you, yes, I really love you. La Laurentide, tu dis? La Laurentide. Ah, la Laurentide. Comme la Canadienne, c'est ça? La Canadienne, la Canadienne, c'est... Hop, excuse-moi. Ça va bien aujourd'hui. Ben, côté technique, là, c'est ah c'est ouais, parfait. C'est... C'est super. Ben oui, on oui. parlait de jus de pomme. Oui, parce qu'on parle jamais d'alcool ici à Assemblage Requis. On veut pas encourager ça. Les enfants, restez à l'école, ne prenez pas de drogue. Ben, c'est ça, les petits requins, là... Faut qu'ils grandissent. Les requins en devenir. Faut que les dents, ça serre. Ben oui. Donc, on vient d'entendre, en fait, la pièce Yaya, qui est une reprise de Yaya. Hein? J'ai reconnu la pièce. Ouais, c'est ça, exactement. Yaya, I know which one. Le Yaya, chanté par Mitsou et par cet autre homme dont le nom m'échappe au Québec. Rock voisine. Il manquait un œil. Ben, je suis pas sûr, mais il me semble que... En tout cas, il y en a un de la gang dans cette époque qui est gay. À moins que c'était Joël Denis. Ah ouais. En tout cas, un de ces nombreux personnages de la scène yéyé du Québec qui avait repris cette pièce-là également, et Tony Sheridan l'a fait alors qu'il était en Allemagne. On s'était quitté juste avant la, ben pas la pause, mais la pause musicale, en disant que Tony Sheridan a rencontré un groupe de 5 jeunes Anglais qui étaient allés s'installer dans le club Indra et qui faisaient du rock'n'roll un peu comme lui. Et ces jeunes Anglais, en fait, ce groupe était composé de Pete Best, Stuart Sutcliffe, George Harrison, John Lennon et Paul McCartney. C'est-à-dire... Ça, là, c'est Oasis. Oasis. Ah oui. Coldplay. Coldplay. Ah, Coldplay, ouais, ça se peut. Je pense mélange. Ouais, Coldplay qui a commencé en 1960 en Allemagne. Mais ouais, ils vieillissent bien. Ouais. Ça paraît pas beaucoup. Hein. Ouais. Et non, ben messieurs, c'était les Beatles, bien sûr. Les Beatles. Ah, les Beatles. Ça me dirait. Les Beatles. Les Pickles. Les Beatles. Les Pickles. les pédalos. Ah. Hmm. En tout cas, bref, donc, George Harrison, entre autres, et Tony Sheridan vont rapidement cliquer et devenir de bons amis. Ils vont répéter ensemble, ils vont jouer de la guitare donc jusqu'aux petites heures du matin, en ayant beaucoup de plaisir. Et il va, donc, les Beatles vont également travailler éventuellement avec Sheridan lors de leur deuxième passage en bois. Pendant les années 60 à 63, il reste, Tony Sheridan, lui seul, reste en Allemagne et est employé par plusieurs groupes de musique plus ou moins professionnels. Il arrive également de joindre aux Beatles lorsque ceux-ci sont sur scène comme guitariste invité. Et les Beatles vont également rendre l'appareil à Tony Sheridan en allant l'accompagner lorsqu'il chante dans certains clubs. Et c'est pendant un de ces concerts-là que Tony Sheridan et les Beatles se font marquer par un gros bonnet de Paul Eder qui donc remarque Tony Sheridan, surtout, il dit « C'est toi la star, je t'offre un contrat de disque. » Il dit « Ouais, mais je suis avec un groupe, les Beatles, ils sont quand même T'es assez pas bons. » sérieux. Ouais, et il a dit dans le fond « Bon, ben les Beatles, on va leur donner 2 pièces sur ton album, mais ils vont jouer avec toi toutes les tunes. » Et donc, c'est là qu'il enregistre 7 chansons pendant 2 jours avec les Beatles, dont « My Bonnie » de Saint. Et les Beatles vont également enregistrer « Ain't She Sweet » et « Cry for a Shadow », des pièces qu'on peut retrouver sur les premiers albums du groupe, également donc des enregistrements de ces années-là. Assez intéressant. Et selon Tony Sheridan et John Lennon, il y aurait eu beaucoup d'autres pièces qui ont été enregistrées par les Beatles, mais qui n'ont jamais vu le jour. Et ça, c'est une histoire assez intéressante. Il y a quelques années, peut-être 5 ans de ça, il y a quelqu'un qui aurait retrouvé dans un grenier de maison une valise remplie d'enregistrements écrits de Young Beatles dessus. Et c'était des pièces inédites de cette époque-là. Ça doit valoir une fortune. C'est effectivement, et d'ailleurs, on va revenir à ça niveau de la fortune, puisque donc bon, cette valise-là a été retrouvée, mais on ne sait pas qu'est-ce qui en est arrivé encore. Et en 1962, la compagnie Polydor a décidé de sortir My Bonnie avec The Saints en 45 tours. Vous savez, les petits disques avec une seule pièce dessus. Mm-hmm. Et donc, il y a eu deux types de disques qui ont sorti. Il y en a un qui avait donc, et ça c'était aux États-Unis, donc il y en a un qui avait un collant rose dessus. Ça c'était le démo de My Bonnie qui a été pressé, et également donc la version originale. Et justement, ce disque-là, ce 45 tours de My Bonnie, a été en fait un des simples qui s'est vendu le plus cher en enchères donc dans les dernières années. En 2007, il s'est vendu à 15 000 $ en enchères. Wow! Et c'est très rare. Habituellement, bon, ça peut monter dans les milliers de dollars, mais là, 15 000 $, là, c'est vraiment beaucoup. C'est beaucoup, ouais. Mais bon, le disque est bien sûr en parfaite condition, ce qu'on appelle dans le milieu des collectionneurs mint. Et il est rose en plus. Et non, le rose, lui, s'est vendu à 3 000 $ seulement. Oh. C'est ce que je trouve bizarre quand même, parce que, bon, le rose, c'est le démo, puis l'autre, ben, c'est la version... que tout le monde a acheté. Radio, ouais. Mais bon, dans une condition mint, ça valait 15 000 $. Est-ce que tu penses que c'est comme les Peppermans, ça se vend moins les roses? Hein? Ouais, ça se peut. Hein? Mais moi, j'aime mieux les roses. Par moi aussi. Oui. Hein, ils sont bien meilleurs. On ils sont trois. Bien plus sucrés. Mais oui! Et donc, voilà pour ce qui est de ce petit aparté par rapport au menthe. Au menthe, oui, également. Des 45 tours qui se sont vendus très cher. On revient un peu à la carrière de Tony Sheridan. Ringo Starr va également jouer avec Tony Sheridan avant que Ringo Starr soit un Beatle, parce qu'il est devenu Beatles à la fin des années 62-63. dis-je, pendant que j'avais la gorge serrée. Il faut une menthe. Et oui, une menthe, une bonne petite peppermint. Et donc, il va jouer avec Sheridan en 1962, mais il va quitter rapidement le groupe parce que il aimait pas vraiment en fait, Sheridan arrivait sur scène, il jouait des pièces qu'il n'avait pas répétées avec son groupe, il jouait des nouvelles compositions que son groupe ne connaissait pas. Et il a dit, bon, t'as peut-être un petit peu trop fou là-dessus et... Bref, on va te... Moi, je vais m'en aller. C'est ça que Ringo a dit. Pour finalement aller joindre avec les Beatles un peu plus tard. Et, il a fait le bon choix, peut-être. Là. On peut peut-être. Et peut-être avant de continuer, on pourrait aller entendre cette fameuse pièce « My Bonnie », qui est d'ailleurs une des pièces grâce auxquelles les Beatles ont eu la première édition chez EMI. Ah, bonne petite pièce. Tout à fait dans le bloc « Phénomène » de Simon Fitzbay à Assemblage Requis. C'était Tony Sheridan avec la pièce My Bonnie. Mais en fait, Tony Sheridan et les Beatles, puisque ils ont enregistré un album ensemble, My Bonnie. C'était Tony Sheridan with the Young Beatles. Featuring. The Savage Young Beatles, oui, effectivement. Les Savage Young Beatles, le ouais. nom complet. Oh, ben, ouais. En fait, c'est le nom qu'il y avait sur leur premier single qui ont sorti en Angleterre, donc qui n'était pas avec Tony Sheridan, mais je pense que c'était les mêmes pièces. Que oh, je pense ouais. que tu as l'original. Non, pas encore, malheureusement. Un jour peut-être. Je reste à la recherche d'albums originaux, mais c'est pas évident, surtout au niveau de la qualité. Ouais, et ouais, ouais. Trois-Rivières aussi, c'est... Ouais, c'est pas une grosse ville, hein? Ben, on a juste un spot ou un et demi, donc c'est pas... on dira pas lequel est le demi. Ouais, non, mais... C'est un chien, un petit peu. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Mais bref, continuons un peu avec la carrière de Tony Sheridan. Lui qui a connu, en fait, un changement crucial dans sa carrière dans le milieu des années 60, il a décidé de s'en aller un peu plus vers le blues et le jazz et de laisser de côté un peu le rock. Les enregistrements qu'il a fait, en fait, n'étaient pas nécessairement... Il n'était pas nécessairement répondait pas vraiment aux attentes donc de ses fans de sa carrière précédente dans le rock et il disait justement dans son album Just a Little Bit of Tony Sheridan dans la pochette il a écrit qu'il était vraiment plus un fan de jazz et de classique que de rock et donc c'est pour ça un peu qu'il a changé. Et en 1967, il était un peu tanné en fait de sa popularité qui était emmenée simplement par les Beatles hein, qui n'était pas vraiment il l'avait pas acquis lui-même, si on veut, ce qui est un peu dommage. Non, c'est ça. C'était pas dirigé vers lui. Non, c'est ça, mais c'était un bon chanteur, c'était un bon musicien, mais probablement que la meilleure et la pire décision de sa vie, c'est de s'allier avec les Beatles. Okay. C'est la meilleure pour les Beatles, mais c'est la pire pour lui. Parce que, son étoile a terni complètement quand les Beatles sont devenus un hit, peut-être un an plus tard en Angleterre. C'était fini un peu sa carrière pour lui. Il pouvait pas retourner là-bas et dire hey, ils vont dire tu fais juste copier les Beatles. En fait, les Beatles ont un peu, quelque peu copié son style. Ils ont appris beaucoup de Tony Sheridan. Mais ça tombe bien pour lui parce qu'il a voulu se diriger plus vers le jazz et le blues par la suite. Donc, en fait, faudrait demander à lui. Hein? Je suis pas à sa place. En 1967, il était un peu désillusionné de cette gloire amenée par les Beatles et il est devenu de plus en plus impliqué dans ce qui était la guerre du Vietnam à l'époque. Il a découvert en fait ce conflit-là et il a accepté d'aller jouer pour les troupes là-bas, donc directement au Vietnam. Et pendant qu'il était là, une partie de son groupe a été tirée dessus. Hein, donc ont décidé d'ouvrir le feu sur le groupe de Tony Sheridan et il y a même donc il y a des journaux qui disaient que lui-même était décédé, ce qui est pas le cas, mais pour le remercier en fait de son travail de musicien pour l'armée, il a été nommé capitaine honoraire de l'armée des États-Unis. Même pas pire. Mmh. Une petite casquette, tout le kit. au début des années 1970, il avait pas mal quitté la musique, si on veut, puisqu'il est devenu DJ de radio. Donc, c'était animateur radio d'une émission de blues en Allemagne. Est-ce que son émission était le matin puis elle s'appelait « Il est pas trop Tony Sheridan », mettons? Ça aurait été... Ça aurait été bon, ça. Il faudrait changer le nom de l'émission, mettre « My Bonnie » au début. Voilà. Ça serait bon, hein? Oui. Non, je pense pas que ça s'appelait comme ça, malheureusement. Non. Par la suite, en 1978, il a fait un retour sur scène. Il jouait au Star Club ça y a ramené un peu de gloire, mais sans nécessairement ce qui rejoigne ce qui était avant. Et finalement, en 2002, il a lancé un album qui se nomme Vagabond. C'est plusieurs de ses pièces à lui et certaines versions, certaines reprises d'autres pièces, entre autres de Skinny Minnie, une pièce que je connais pas, mais qui est de l'époque où il faisait les cabarets dans les années 60. Depuis ce temps-là, il vit tranquillement avec sa femme Anna à Hambourg. Il est resté en Allemagne, donc il n'est jamais vraiment retourné en Angleterre, ce Tony Sheridan. Il est plus vraiment musicien. Il dessine des cotes de maille maintenant. C'est son activité principale. Ouais. Ah ouais. Et c'est un fan de cotes de maille et c'est pas mal tout ce qu'il fait. Eh ben. Et oui, mais là, il est rendu quand même à un âge avancé. Il a 70 ans cette année. Il a décidé de prendre sa retraite de la musique tranquillement, pas vite, et de s'installer dans une maison. Ouais. Eh bien. Surprenant. Oui. Une drôle de fin. Ouais, un homme qui a connu un destin bizarre. Ben, bizarre, oui. Oui et non. Dans le fond, comme on disait, un peu dommage pour lui, mais tant mieux pour les Beatles. Si ça serait pas de lui, les Beatles auraient peut-être pas nécessairement été connus de la même façon à la même époque. Mmh. Pendant tout le mois de novembre, on va continuer un petit peu sur les Beatles. Oui, oui, c'est ça. C'est, en fait, Tony Sheridan ouvrait ce monde incroyable qu'est les Beatles. Et pendant donc tout le mois de novembre, à chaque chronique, ce sera dirigé envers les Beatles. Bien sûr, je peux pas juste faire une chronique sur les Beatles. Ça. Jusqu'à maintenant, on a qu'effleuré la carapace. Un jeu de mots de Beatles avec les scarabées. C'est bon, ça. C'est ouais. Et donc, on va parler de John, Paul, George et Ringo. Okay. Excuse-moi aussi pour mes jeux de mots de Marge pendant ta chronique aujourd'hui. Non, c'est bien correct. Ouais, c'était vraiment. On était habitués, je pense. Ouais, on a l'habitude à la longue. L'habitude, c'est moins dans tes chroniques. Je les garde pour d'autres qui sont moins sérieuses. Donc, on va te retrouver, Simon, dans le reste du jeudi Simon Fitzbé ou le Simon Fitzdé. Oui. Évidemment, il y a le dîner de con avec les scouts de l'Internet. Oui. Le scout des Internets. Je mets le pluriel à mauvaise place à chaque fois. Ben, c'est pas grave. On n'a pas encore fait de poster. Non, puis t'as pas de petit jingle non plus. Non. Ça pourrait être quoi ton jingle? On va l'inventer tout de suite live comme ça. Attention. Scout des Internets. Hein? C'est vrai. J'ai enregistré ça tantôt. Ouais. Ça. Hey, Danny, j'ai une idée. D'après moi, il pognerait de quoi. C'est peut-être moins rock que les éphémérides. Ouais, c'est vrai, ça. Mais c'est un autre genre. Ouais. Donc, le scoot des internets, c'est dans le dîner de con les jeudis entre 11h et 13h. Mm-hmm. T'as évidemment ton émission La saveur du moment, qui elle non plus n'a pas le petit jingle chanté, malheureusement. Non, malheureusement. C'est jeudi. Non, j'ai le jingle chanté. Mais j'aime ça, les petites chansons push. Comme celle que je viens de faire. Ouais. Ouais. Et puis, évidemment, rock classique, les vendredis matin à 11h. Et effectivement. Là, ça, c'est les éphémérides. Oui. D'ailleurs, je serai un peu de retour cette semaine, autant dans la saveur du moment et que les éphémérides, parce que j'étais comme pas présent la semaine dernière. T'étais présent d'outre-tombe. D'outre-tombe, ouais, ça. À rock classique, au moins. On avait quelques restants. Voilà. Donc, soyez là pour ça, et puis on te retrouve jeudi prochain, comme toujours, à 8h. Ça va faire plaisir. Et ça m'a fait plaisir. Nous, merci beaucoup, Simon. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. On aime ça. C'est ça. On va arrêter ça et on va arrêter de faire des jeux de mots et des mauvaises blagues. On va retourner en musique. On va entendre un petit peu de JP Dalpé. JP Dalpé, juste après, on va recevoir François Landry. Il nous parle de la montée de la droite. Plaisir. Plaisir. Bien sûr. C'est réagir. Bonjour, il réagit hier. Il est bon. C'était irréal comme imitation. Depuis le temps que j'ai pas, ferme les yeux, prêt, on y va. Le chemin du rêve selon les règles de l'art. J'ai bien peur qu'il ne mène plus nulle part. Courtiser le ciel sans avoir un rond, les rêves en étoiles criblés de plomb. Strike, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. Passage et clandestin pour le hold-up du destin. Le vent vire de bord, deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. On s'enfuira sans remords par la route du nord. L'argent nous liquide, je suis Buffalo Bill, Billy le Kid, on est Bonnie and Clyde. Pas besoin de quelqu'un qui connaît quelqu'un d'autre, qui paraît qui pourrait à nos frais. Quelqu'un hypothétiquement disposé à en discuter. Pour le hold-up du destin. Le vent vire de bord. Deux fous qui craquent, deux fous qui craquent. On s'enfuira sans remords par la route du nord. heures à C'est fou. C'est fou, ça. 89.1. Assemblage requis est une présentation de la Banque nationale et du service aux étudiants de l'UQTR. Jusqu'à 9h, vous écoutez Assemblage requis avec François Olivier et Mathieu Plante sur les ondes de C'est fou 89.1 FM. Toujours Assemblage requis sur C'est fou. 8h37 minutes. Oui, c'est l'heure fatidique où on parle de politique et de d'autres trucs magiques. Des trucs magiques. Voici le gars qui a fait que ça rime, ça. S'il vous plaît. Collègue. Le début est solennel. Bonjour. Royal. Collègue, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le début est solennel. Bonjour François Landry. Bonjour Mathieu Plante. Bonjour François. Bonjour, bonjour François. Simon. Bonjour François. Au lieu de magique, t'aurais pu dire pathétique, démagogique. Ah, il est plein tragique. De... tragique, oui. C'est ça, là. Chick flick. S'il vous plaît, chick collègue, flick. Collègue. On s'égare. Collègue. Merci, oui, président, merci. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Donc aujourd'hui, on parle de la montée de la droite. Oui, j'ai bien aimé ton commentaire quand tu m'as réécrit sur Facebook pour me dire que tout était OK. T'as levé ta main droite, puis t'as dit « Je lève ma droite et on se revoit demain. » Hail Hitler. Ça ressemble à ça, donc c'est pour ça que j'ai ri quand j'ai vu ton courriel. Ça tuait de résumer ce qu'est la droite. Donc, non. On retourne les coins ronds, mais j'aimerais bien parler avec vous, oui, de la montée de la droite au Québec, au Canada et dans le monde. Sauf que, oui, bon, je sais que je te l'avais promis, mais je peux pas analyser le sujet en profondeur. Parce que, présentement, la droite... N'a pas de profondeur, n'a pas de programme, n'a rien. Donc, je vais faire comme eux. Je vais juste effleurer les sujets, puis je vais tourner les coins ronds. Wow. OK? C'est bien, ça. Donc, oui, on a assisté cette semaine à l'élection à Toronto d'un maire très populiste. Et oui. Oui. Hein? Si vous avez suivi un peu l'actualité, Rob Ford, qui a été candidat à la mairie à Toronto, il s'est fait élire. Et lui, c'est un conservateur, mais encore plus conservateur que les conservateurs. C'est un gars très à droite, très arrêté et un Soulon notoire. Il s'est fait arrêter à plusieurs reprises en état d'ébriété. Il s'est mis à engueuler des joueurs de basketball dans un... T'es sérieux? Oui. C'est un populiste. On appelle ça un populiste. C'est pas un gars de droite, c'est un populiste. Donc, lui, c'est... J'ai une grande gueule, je parle. J'ai des idées et je les prononce. Puis le monde à Québec, il aime ça, entre autres à la radio, tu sais. Hein? Oui. On pourrait revenir sur les radios poubelles, ouais. Oui, parce que c'est le même discours véhiculé. Bon, je mets des guillemets ici, mais effectivement, c'est ce qui plaît au monde, on en parle. Puis moi, je promets ça, puis si t'es pas d'accord, ben il lit moi pareil, puis je vais le faire. Mais c'est pas un peu comme la bombe? Tu sais, vite fait, mettons, tu sais, il parle comme la bombe, mieux son style. Ouais, ben la bombe, la seule différence, c'est que lui agit. Donc, il le fait. Ouais. Et ça agit sans mettre les gouvernements de côté, comme Rob Ford a dit qu'il ferait. Oui, exactement. Rob, je vais l'appeler Rob. Robbie. C'est un bon chum. Mm-hmm. Oui, il dit sa première promesse en arrivant au pouvoir, donc mardi prochain. Il va arriver à l'hôtel de Bill, il va sacrer la moitié des conseillers dehors. Il dit, il y en a trop. Je vais couper de moitié les services. Les services des ordures, je vais privatiser ça de même. Là. Même pas de consultation, même pas de réétude de comment on va faire. C'est, je fais ça parce qu'il y a eu un problème cette année. Un problème. Il y a eu un problème, on s'en débarrasse. Au lieu de réétudier, oui, faire un comité, je sais, moi, bon, j'aime ça les comités, ça, on réfléchit, non, ben c'est en se mettant ensemble qu'on trouve des idées, ben non oui. Pas parce que lui, il aime pas ça. C'est ça, c'est pas la décision d'une seule personne. Non, exactement, mais pour lui, oui, parce qu'à Toronto, contrairement à Montréal, il n'y a pas de parti politique. Ce sont des individus qui se présentent sur chaque poste. Ah ouais. Donc, okay. À Montréal, il y a un parti politique, c'est pour ça qu'il y a Gérald Tremblay avec son équipe de... pas Vision Montréal, lui, c'est... Je crois que oui, hein? Gérald Tremblay, oui. Ensuite, il y a Louis Arel avec son autre quelque chose de Montréal. Son harem de Montréal. Et j'aime ça. Et Richard Bergeron avec Projet Montréal. Donc, c'est des partis politiques qui se font élire. Donc, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et quand l'opposition est quand même forte, comme à Montréal présentement, le maire ne peut pas faire ce qu'il veut. Mm-hmm. Donc, il se doit de conseiller tous les conseillers et ensuite d'agir. Ça ralentit peut-être le processus. Bon, au moins... Ça donne pas l'illusion qu'un seul gouverne. C'est la population qui est fièrement représentée. Démocratique. beaucoup plus démocratique selon la définition qu'on donne au mot démocratie. Et à Calgary, il y a deux semaines, complètement à l'autre côté. Okay? On s'entend, Toronto, avec c'est une ville très libérale, a élu un maire très conservateur. Calgary, c'est plus conservateur que conservateur, donc formel. Oui, voilà. Et à Toronto, Calgary, ville très conservatrice, c'est le fief de Stephen Harper, a élu un maire musulman et progressiste. Ah, ouais, j'ai vu ça, oui. Donc, c'est il s'appelle, attendez que je retrouve son nom, Naeb Nanshi, un jeune musulman progressiste à mairie de Calgary. Pourquoi il s'est fait élire? Parce que le monde, non pas qu'il est à gauche, non pas qu'il est musulman, c'est qu'ils veulent du changement, tout simplement. C'est la conclusion auquel les analyses viennent, et à Toronto, et on l'a vu, on va le voir au Québec, on le voit à Ottawa, on le voit dans certaines villes, le monde veut du changement, ils sont tannés des politiciens, des vieux politiciens. Donc, c'est beaucoup plus facile actuellement, en 2010, de sortir de politique que d'entrer. Mm-hmm. Parce que quand tu es un sortant que tu veux revenir, tu te fais taper ses doigts royalement par la population. Donc, c'est pour ça que les gens votent à droite, à gauche. Mais c'est ça, les gens sont prêts pratiquement à voter n'importe quoi, en autant que ça soit peut-être pas du jamais vu, mais tu sais, ça sorte... Ils sont prêts à du changement, peu importe qui. C'est ça, exactement. Tu as une belle gueule, tu parles plus fort que l'autre, tu promets du changement. Tu promets du changement, ça, c'est la règle de base. Exactement. Et la plus belle preuve qu'on a au Québec, c'est François Legault. Ouais, avec, son fameux parti. Mouvement parti, appelons-le cercle d'amis, situation imaginaire qui n'a jamais eu lieu. François Legault recueillerait 40% dans les intentions de vote des Québécois. Pauline Marois avec 21%, Jean Charest 20%. D'ailleurs, François Legault, on ne l'a pas vu en entrevue. Il n'a jamais confirmé qu'il y aurait un mouvement. Il n'a jamais confirmé le relançant politique. Il n'a jamais émis un programme. Mais ça doit lui donner le goût, par exemple, en voyant les sondages. Je ne le sais pas, François. Honnêtement, en voyant les sondages, oui, mais le monde vote pour du vent, présentement. Quand il va mettre quelque chose par écrit, est-ce que là, les gens vont dire « Ouf, moi, augmenter les droits de scolarité de 5 000 $ par année, pas sûr. Est-ce que privatiser la santé, pas sûr. » On l'a vu avec le ticket modérateur, il y a eu une montée aux barricades. Est-ce que abolir la loi sur les scabs, contre les scabs, je ne sais pas, je sais même pas de quoi il parle, François Legault. On sait juste, qu'il est à droite. Du temps qu'il était au Parti québécois, il était sous la gouverne de Lucien Bouchard, son mentor, et il a fait beaucoup, beaucoup de dommages pour bon, ceux qui sont de gauche, mais aussi il a revisité le système d'éducation, la taxe à l'échec. Si vous vous en souvenez, en 1998, c'est lui seul, le contrat des performances des universités, là où l'université a cessé d'être un lieu d'enseignement et est devenue une entreprise lucrative. C'est lui, ça, c'est François Legault. Donc, et il a quitté, non pas parce qu'il n'était pas aimé, c'est parce qu'on le... On le considérait plus. Il était... Parce qu'il n'a pas été chef, non? Il voulait se présenter à la chefferie à la succession de Bernard Landry. Ça n'avait pas passé? Non, parce que Pauline se présentait. Et Bernard Landry a dit à François Legault dans les officines, « Tu te présentes pas, mon homme. Tu te présentes pas, tu n'as pas ma confiance. » Et quand le chef sortant n'accorde pas sa confiance au nouveau chef, c'est dur. Okay. Parce que Bernard Landry, c'est un homme de gauche, un homme fondamentalement séparatiste. Et François Legault l'est pas. Il est plus nationaliste, donc un Québec fort dans un Canada fort. Si le Québec peut être encore plus fort que le Canada, tant mieux pour lui, mais en autant qu'on reste au sein de la grande famille confédérale. Mais bon, Bernard Landry... Bizarre qu'il soit dans le Parti québécois. Oui. Il aurait pu être libéral. Oui, c'est ça. Il a rendu là. Il a été recruté. C'est aussi à l'époque, tu sais, qu'il s'est présenté en politique, c'est un peu sa seule option. Parce que le Parti libéral était plutôt hyper fédéraliste. Oui, exactement. Et Lucien Bouchard était là. Et Lucien Bouchard, un grand homme, oui, pour son époque. Un homme fondamentalement de droite, mais séparatiste. Et il a été recruté une tête, un être intelligent en la personne de François Legault, un homme indépendant de fortune, donc était moins sujet à la corruption parce que pas besoin d'enveloppe brune. Lui était extrêmement riche et millionnaire, François Legault. Ah oh ouais, pourquoi? Il tire de président de la Transat, a vendu sa compagnie pour $1, a quand même reçu beaucoup de bénéfices par la suite, donc indépendant de fortune. Oh ouais. Il peut vivre sans travailler le restant de ses jours, facilement. Donc oui, et tout ça m'amène à revenir justement à « Tout le monde veut du n'importe quoi ». Et on a vu en fin de semaine à Québec, le fief de la droite au Québec. Encore là, fief, c'est à prendre avec des pincettes parce que Mathieu le disait en introduction, grâce aux radios là-bas, le message de la droite passe beaucoup mieux que le message de la gauche, contrairement à Montréal où c'est le message de la gauche qui passe beaucoup mieux que la droite. Le mouvement Réseau Liberté Québec. On en a entendu parler, ça a fait couler beaucoup d'encre, mais de plus le temps passe, moins on en entend parler. Est-ce que c'est un mouvement? Tout le monde dit « Ah, il y a une révolution au Québec, la droite remonte au pouvoir, la droite sort du garde-robe. » J'ai des bémols parce que c'est un mouvement. Ils ont attiré 400 personnes. Les autres, ils ont dit... c'est pas énorme, 400 personnes. Ils ont dit « La salle était bourrée, on a refusé du monde. » Oui, je m'excuse, mais c'est pas avec 400 personnes qu'on fait un mouvement. C'est une réunion dans une salle de bain. Okay. Il me semble qu'ils ont annoncé cette fameuse réunion-là. Ils s'attendaient quelque chose à 10 000 personnes. Ah oui, eux autres, c'était pour faire comme le Tea Party aux États-Unis. Vraiment une explosion de contestation droitiste au Québec. Ils ont réuni 400 personnes, OK? Parmi l'Assemblée, qui était là? Des membres de l'ADQ. C'est pas que ça que j'appelle sortir du garde-robe. Attends. Il y a au moins 400 membres dans l'ADQ. Non, mais une partie de... Ben, il y a des has-beens aussi qui se cherchent encore ou qui sont en instance de renouveler leur carte de membre. Les membres de l'ADQ et leurs nombreux cousins, quelque chose du genre. Ils ont des grosses familles. Oui. Donc oui, 400 personnes à Québec. Et si on se retourne en arrière en 2005, lorsqu'il y avait eu le manifeste des Lucides, on se souvient de ça, Joseph Facal avait co-signé justement avec André Pratt, oui, et Alain Dubuc de La Presse, François Legault aussi, Lucien Bouchard, donc il avait fait un manifeste qui avait secoué la politique québécoise. Il a dit « Faut la droite au Québec, ça prend des politiques de droite ». Et bon, c'est mort dans l'œuf. Aujourd'hui, on parle juste des Lucides de 2005, il n'y a rien qui ressurge à ça. Par contre, à la suite de la sortie du manifeste, il y a eu le manifeste des Solidaires. On s'en souvient, qui a réagi à ce manifeste-là. Mm-hmm. Et eux ont formé un parti politique. Et eux, aujourd'hui, ont 5000 membres. Et j'appelle beaucoup plus ça un mouvement solidaire qu'un mouvement lucide. Donc, la gauche au Québec est encore omniprésente et beaucoup plus rassemblée, rassembleuse et organisée que la droite présentement. Donc, je parle ici de Québec solidaire, qui est le fils du manifeste des solidaires. À Mercadier, elle l'avait entre autres signé, Chris Amanas, et bon, toute la gauche du Québec l'avait co-signé. Donc, c'est pour ça que Réseau Liberté Québec, je mets des gros bémols là-dessus, parce que je suis pas sûr que ça va toffer longtemps, surtout qu'ils ne promettent rien. Ils n'ont pas de programme. J'ai lu, relu et encore lu hier le discours d'ouverture de Joanne Marcotte, la Sarah Palin du Québec. Et encore là, c'est pas gentil pour Sarah. Non. Sarah. Sarah Palin. Ouais, elle a continué à signer des drapeaux cette semaine encore. C'est illégal, ça, aux États-Unis. Elle l'apprend pas. Elle a continué. Trois drapeaux. Ah oui. C'est des gens qui se croient tellement purs et comme Christine O'Donnell aussi, qui est un peu comme la fille illégitime de Sarah Palin. C'est plus comique que d'autres choses. Qui aurait blanchi 3 millions de dollars dans ses poches alors que ça se posait servir sa campagne. Mais pourtant, elle est blanche comme neige, une conservatrice anti-masturbation et autre chose, genre. Elle préfère les balais. Oui. Mais François, tu peux peut-être confirmer mon doute là-dessus. C'est pour avoir parlé à plusieurs gens de droite, avoir vu des partis comme la DQ et tout ça se prononcer. On dirait que la droite au Québec, les gens qui sont vraiment de droite ont l'impression que toute la population du Québec est à droite, mais ils savent pas. Au Québec, on a une culture... là, on rentre en histoire. Là, on va faire un dialogue d'historien. Ici, excusez-nous les autres. Oui, au Québec, on est beaucoup plus à gauche, mais pas dans le sens de se retrouver sur le chapeau de gauche. On est à gauche, pourquoi? Parce qu'on a toujours été élevé sous la tutelle de l'Église. Donc, un État-providence. Donc, l'Église a beaucoup... l'origine du mouvement communautaire au Québec, c'est l'Église. L'origine des syndicats au Québec, c'est l'Église. La CSN, c'est un syndicat catholique à l'époque. Oui, monsieur. La CTCC, la Confédération des travailleurs catholiques du Canada. Wow! Donc, on a toujours eu, oui, une prédominance, une aide de l'Église. On est resté avec ça traditionnellement, on est resté avec ça. Et dans les années 60, lorsqu'on a balancé dehors l'Église, on a laïcisé Québec, sauf qu'on a instauré des mesures gouvernementales qui ont remplacé l'Église. Exactement, parce que l'Église est en chute libre, il y avait une montée démographique certaine. Donc l'Église a remplacé Dieu. L'État a remplacé Dieu dans nos foyers. Donc, on aime avoir une protection sociale. On aime notre assurance maladie, on l'aime donc. Hein? On se casse pas la tête. On se casse pas la tête, c'est ça. T'as mal au ventre, tu sais pas que ça t'a. Tu t'en vas au CLSC, tu t'en vas à l'hôpital. Que t'as de l'argent ou que t'en aies pas. Puis tu sais que tu perds ta job, t'as du chômage. Bon, c'est pas le meilleur des mondes, mais t'as quand même ça. T'as une maladie mentale où t'es plus apte à travailler, t'as quand même. Tu peux avoir recours à l'aide sociale. C'est pas ça, aux États-Unis. Non. Tu peux l'avoir, oui, mais c'est deux fois dans ta vie, puis 4 ans en tout. Ouais, donc, on s'entend que si tu tombes infirme demain matin, si t'as pas l'assurance, t'es comme. Ouais. Hein? Donc. On dira pas le mot. C'est exactement. Donc, effectivement, Simon, au Québec, la droite a des partisans, comme dans tout pays. Mais au Québec, on est beaucoup plus, non pas à gauche, mais plus apte à recevoir les idées d'interventionnistes. On dit que les syndicats, on charle beaucoup contre les syndicats, mais on est-tu content qu'ils nous défendent et qu'ils augmentent nos salaires? Exactement. Hein? Puis on veut pas payer d'impôts, on veut pas payer de taxes, mais enlevez-nous pas notre système de santé parce que. Exactement. Donc, c'est ce qui fait le tour pour l'instant de la montée de la montée en guillemets de la droite au Québec. J'aurais voulu vous parler d'autres choses du discours de Marcotte, mais là, le temps file. Je vais revenir éventuellement. Ça a fait un autre discours, ça a fait un autre programme, au moins un premier programme. Tu peux effleurer le sujet si tu veux aussi. Oui, je peux juste effleurer pour dire que la droite veut juste l'individu qui prime par-dessus la société, alors qu'on vit dans une société, donc il faudrait promouvoir la société plutôt que l'individu. Il faut au moins faire un équilibre entre les deux, mais pour l'instant, je crois qu'on est dans un équilibre parfait. L'État est là, l'individu est là, on est dans une libre entreprise, on n'est pas comme à Cuba ou en Chine, et on n'est pas comme dans un État facho de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, la gauche est là, la droite est là, faisons avec, une montée de la droite, peut-être, c'est peut-être un mouvement éphémère, peut-être juste une bulle immobilière dans le grand mobilier québécois. Donc, on verra bien. Pour l'instant, oui, on a besoin de changement au Québec. Et les seuls qui sortent du placard présentement, c'est les grands gueulards qui prônent des valeurs de droite. Donc, voilà. Ouais. Ben merci beaucoup, François Lorrain. Merci. Ça me fait plaisir. Merci. On se retrouve jeudi prochain à 8h30 pour une autre chronique Logocratie 101. Ouais. Oui. Et puis, on t'aime beaucoup. Ben merci. Love you. Very much. Love you. Hey, il nous reste que quelques minutes. On va aller écouter une pièce d'Alex Nevsky sous les stroboscopes et on revient après avec la conclusion de la semaine. Assemblage requis. Nos vies dansent sous les stroboscopes, remplir nos têtes de n'oubli dansent sous les stroboscopes. Faut se rendre à l'évidence sous les stroboscopes. Petite nuit et obimance sous les stroboscopes. Plutôt l'excès que l'abstinence sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli dansent sous les stroboscopes. Plus d'incidence que de science sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Danse sous les stroboscopes. Nos vies dansent sous les stroboscopes. Totalement libre sans qu'on y pense sous les stroboscopes. Ni mensonge ni manigance sous les stroboscopes. Chacun sourit si son lit danse sous les stroboscopes. Dans nos têtes la délivrance sous les stroboscopes. Entre exutoire et obligeance sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli danse sous les stroboscopes. Ah oui c'est sûr que nos vies dansent sous les stroboscopes. Dance sous les stroboscopes. Black white, black white, black white, black white. Everything seems so fun until you turn on the lights. Do you get inspired by nights? You can't play back at the bad effects. Your best friend lays down of how people react. You gotta learn to close your eyes and turn the page. Take a step forward and dispose of yesterday. So do me a favor, take notes and cut the ropes. Welcome to living life under the stroboscope. Nos envies dansent sous les stroboscopes. Remplir nos têtes de n'oubli. Remplir nos têtes de n'oubli, dans sous les stroboscopes. Abattant finesse et finance sous les stroboscopes. Tous tirant dans la tyrance sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Face to face. Dans sous les stroboscopes. Until you ride the slope. Dans sous les stroboscopes. Say what? Allez, dans. Dans sous les stroboscopes. Dans sous les stroboscopes. Alex Nevsky, la pièce sous les stroboscopes. Ça, autre que la droite qui monte au Québec, Alex Nevsky, ça monte aussi. Hein. Ouais, c'est moins dangereux. Ouais, c'est ça. Puis c'est ça, c'est meilleur plus. Hey! Donc, Alex Nevsky, son album, vous le savez peut-être pas, s'appelle De l'une à l'aube. C'est la fin d'Assemblage requis pour cette semaine, François-Yvien. Oui. On a eu une belle semaine, je trouve. Belle semaine, semaine chargée. C'est l'Halloween dimanche, donc soyez sages. Ne faites pas les fous. Et je vous rappelle, c'est la soirée des vins. Oui, ce soir, la soirée des vins, les Patriotes. 20$. donc, soyez-y. Sinon, qu'est-ce qu'il y a en fin de semaine samedi? Le party d'Halloween au Manchester. Ouais, exactement. On vous conseille de rester sur les ondes de C'est fou parce que plus tard aujourd'hui, il y a le dîner de con à 11h avec Danny Janvier. Danny Janvier. Soyez là. Puis en après-midi, il y a une dose d'estrogène avec de la musique et des suggestions de sortie. Moi, je vais être de retour avec Stéphanie Gagné pour animer les Palmarès C'est fou à 14h. Donc soyez là. Ah, aujourd'hui au Palmarès C'est fou, on a Vincent Vallière en entrevue et aussi la formation Our Book and the Authors. Ça se passe dans les Palmarès C'est fou entre 14h et 17h. Si vous avez raté une chronique ou un moment cocasse dans l'assemblage requis, il faut être à l'écoute pour l'émission Le meilleur de C'est fou. C'est vendredi matin à 6h et samedi à partir de 13h. Voilà, donc passe une belle fin de semaine, François. Ben merci, toi aussi, Mathieu. On se revoit, nous, on se revoit lundi, oui. 7h du matin. 7h, à peu près, ouais. Il va y avoir Audrey Tremblay avec son tour du Zone Campus. Et puis, on a qui? Stéphanie Gagné. Stéphanie avec Take Me Out. On remercie les gens qui ont participé à l'émission cette semaine. Tout le monde, dont ceux qui ont participé aujourd'hui, Simon Fitzbé et François Landry. Un plaisir. Plaisir. Bien sûr. Regarde Juger. Oui, on l'aime, Réal. C'est un bon mec, un chic type. Swell guy. Nice person. Thank you. C'est à peu près ça. Les nouvelles de Radio-Canada s'en viennent. Puis, à la prochaine. Je pense qu'on a assez bien. Oui. C'est du bretage, oui. Rendu là. Bonne journée, profitez-en, gros soleil. Profitez-en. Ouais, c'est ça. OK, bye. Bye. On a dit n'importe quoi pendant genre 2 minutes au moins. Ça c'est bien fini. Ah oui. C'est une belle fin.